Olivier, bonsoir. On vient d'écouter un extrait du titre Adorasti, extrait de votre dernier disque, In Tenebris. Parle-nous de la gestation de cet album, s'il te plaît. Alors, In Tenebris, en fait, c'est tout un album concept autour du thème de l'éclipse qui avait eu lieu en France en 99. Donc, on était en train de commencer à faire des compos et puis on avait filmé cet événement et on y avait assisté parce qu'il passait vraiment chez nous en Normandie. Et ça m'a vraiment incité à choisir de façon beaucoup plus précise et plus concise toutes les paroles de l'album autour du thème de l'admiration devant un événement surnaturel, etc. Et donc, par exemple, Adorasti est construit sur une devise antique, puisqu'il faut savoir que dans Rosa Crux, les textes ne sont pas écrits par nous. Hein, il n'y a aucune ligne qui n'a jamais été écrite par le groupe. Ce sont des recherches en bibliothèque et des textes retrouvés, des textes d'une certaine période, retrouvés, remis à jour, parfois recomposés ou un petit peu adaptés, mais le moins possible. Et donc, Adorasti, les paroles disent, en traduction, ça donne adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Enfin bon, c'est une façon de se mettre en émoi et en émerveillement devant ses angoisses et ses peurs, et puis de les surmonter, hein, puisqu'il faut les brûler et passer outre. Et donc ça rejoint encore hein, le thème de l'éclipse, puisque c'était vraiment ça, cette fois les éléments qui étaient en train de faire cette devise, hein, puisque le soleil et la lune s'annulaient, le jour devenait nuit, etc. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu dans cet esprit que se place Rosa Crux. Ça donne une petite idée. Cet album est sorti en 2001 et il est le dernier des trois albums que vous avez produits en une vingtaine d'années. Il est vrai qu'il y a beaucoup de travail en amont, la recherche des textes d'une part, mais aussi la recherche sur le côté scénique. Et ce qui m'a intrigué lorsque je vous ai vu en concert est l'utilisation de cloches sur scène. Dis-nous-en un peu plus. Alors déjà, pour résumer un petit peu, il y a en effet eu trois albums autoproduits, mais beaucoup de petites productions à échelle beaucoup plus inconnue. On a notamment sorti une cassette d'une heure qui a été faite à 100 exemplaires avec un petit producteur en 88. Il y a eu un autre mini-CD qui a été vendu à édition très limitée avec un label qui s'appelle Sordi Sentimental. On a fait aussi des 45 tours. Enfin bon, trois albums uniquement, c'est vrai, c'est peu, on nous le reproche souvent, mais c'est surtout parce que s'autoproduire à échelle normale, c'est-à-dire en allant jusqu'au bout, en allant jusqu'à mettre le code-barre sur ses pochettes, c'est complètement ruineux. Et on s'est limité, on s'est dit stop, on arrête, on essaie de trouver une maison de disques et de signer avant de continuer, parce que sinon ça va être la fin du groupe. Donc il y a eu d'autres compos qui sont prêtes, mais qu'on ne produit plus volontairement, enfin on a mis un frein. Et il faut savoir aussi donc que Rosa Crux, c'est beaucoup plus que de la musique, ça fonctionne vraiment comme une espèce de production cinématographique. On s'intéresse énormément à l'image, et en effet, t'as raison, ces cloches sont un exemple de la façon dont on voit un petit peu le concert et la scène, c'est-à-dire qu'on est capable de passer 3 mois, 4 mois dans nos ateliers à fabriquer des instruments pour augmenter et puis pour se faire plaisir, parce que le but c'est d'arriver à trouver une espèce de satisfaction dans son travail. Et donc on en avait marre d'entendre les cloches qu'on avait choisi à enregistrer. Bon, à chaque fois c'est des sons qu'on a été enregistrés dans les vieux carillons de Rouen, mais c'était joué sur un synthé avec un sampleur, et on s'est dit bon, stop, pourquoi on se donnerait pas un petit peu les moyens d'aller plus loin. Et donc on s'est mis à fabriquer, en faisant beaucoup de recherches sur les façons traditionnelles de fabriquer des cloches. On a fabriqué nos cloches en... Ça a mis un an et demi hein, dans nos ateliers. Et puis, alors, c'est un faux carillon dans le sens où il fonctionne un peu comme une batterie MIDI. C'est autant un faux carillon qu'une batterie MIDI est une fausse batterie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la jouer pour que ça fonctionne. Mais ça n'empêche pas que les cloches ne sont pas en véritable bronze, parce qu'il nous faudrait un 38 tonnes pour les transporter, quoi. Mais bon, elles sont frappées. Par contre, c'est un véritable carillon. Voilà, il n'y a pas que les cloches. On a aussi notre batterie automate, qui est une espèce de batterie robot comme ça qu'on a construit. Et puis, on attache beaucoup d'importance à fabriquer tous nos petits détails. C'est un choix. La musique, c'est un pourcentage. On raisonne comme des réalisateurs de films. C'est en décembre 2004 que je vous ai vu en concert à Marseille. Le spectacle est total par les effets visuels, l'utilisation de cet échafaudage de cloches, le chœur qui vous accompagne. La prestation m'avait beaucoup impressionné, particulièrement au moment de la chorégraphie. Comment vous est venue l'idée de faire intervenir ces danseurs contemporains ? La chorégraphie, on l'appelle la danse de la terre. Hein, c'est venu d'un texte que j'avais trouvé, qui sont les paroles de cette musique qui l'accompagne. C'est un titre qui s'appelle Eliello, où il y a des noms de divinités qui sont invoqués, qui sont les dieux de la terre. Enfin, en fait, c'est un mariage avec les quatre éléments. C'est un petit peu ce que les paroles racontent, c'est tout un délire de l'alchimie, etc. Et nous, très simplement, j'avais imaginé une façon de mettre ça en image, et je me suis dit que la meilleure façon de représenter et de marier tous ces quatre éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, ça a été une façon de s'en sortir en montrant tout ça de façon abordable directement aux gens dans la salle. Et il y a une approche très particulière avec un refus de théâtralité, hein. On a une démarche opposée au théâtre. On est plus proche de la performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu d'acteurs, c'est vraiment des gens qui vivent les choses, c'est de la vraie terre, ils sont nus parce que mettre un cache-sec ou n'importe quoi, ça passerait pas. Bon, aujourd'hui c'est peut-être plus habituel, mais on fait ça depuis un certain nombre d'années, et il y a une période ça nous a posé pas mal de problèmes. Et c'est une offrande au public, en fait on rejoint les idées d'Artaud qui avait fait des critiques très sévères à l'encontre du théâtre dans son bouquin Le théâtre et la cruauté. Voilà. Et il disait qu'on a perdu toute notion de sacrifice dans nos théâtres en Occident, que ça n'existe plus que dans les pays encore sauvages ou en voie de développement. Et il parlait de l'Inde notamment. Et il disait que c'était un petit peu à ça que Shakespeare devait son succès. C'est parce qu'il avait à chaque fois mis un mort à la fin, etc. Bon. Et on s'est dit que le concert, pour que ce soit une vraie cérémonie, il fallait qu'on fasse un sacrifice aussi. Donc c'est un petit peu l'humain que l'on exécute en public pour faire un point final. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est assez impressionnant, parce que ça ravive un espèce de sentiment d'avoir assisté à quelque chose de précis avec une mise à mort symbolique. Une telle démarche nous incite à nous interroger sur ton parcours artistique. Quelle fut ta formation musicale ? Tu as fait un conservatoire, je crois. Non, pas exactement. J'ai fait l'école des Beaux-Arts. J'ai suivi une école des Beaux-Arts, mais j'ai été placé depuis que je suis gamin dans un milieu musical, puisque j'ai mon père qui était directeur d'école de musique et qui m'a fait chanter dans des chorales. Donc ça m'a un petit peu suivi tout le temps. Mais j'ai une au niveau de ma formation, j'ai choisi tout ce qui était le visuel, justement. Le conservatoire, alors toute l'approche musicale, c'est faite par l'habitude et la façon de côtoyer des musiciens de conservatoire, parce qu'on a bossé beaucoup avec des gens qui sortent du conservatoire, donc ça, on a été obligé avec Claude au clavier d'apprendre le solfège petit à petit. C'est des choses qui viennent quand on en a besoin, quand c'est un petit peu comme les maths, hein, quand à l'école on apprend ça parce qu'on est obligé, on comprend pas pourquoi, on s'en sort pas. Enfin bon, le conservatoire non, mais bon, on a réussi à communiquer avec des gens d'un certain niveau. C'est vrai qu'au niveau des musiciens, ça demande parfois, au niveau des percussions surtout, ça demande un certain niveau technique. Voilà. Avec Claude Fény, ta partenaire au sein de Rosa Crux, votre démarche artistique est pour le moins originale. Donc toute la partie visuelle nous demande autant d'attention que la partie sonore. Et malheureusement, les gens de l'extérieur ne reçoivent que la partie sonore, parce que c'est tout ce qu'on peut vendre dans un magasin. Mais on y remédie, on est en train de terminer et d'achever un DVD en ce moment avec le label Trisol, que je viens de finir. Ça nous a demandé un an et demi de travail. Et donc là, ça va être un double produit. Il y aura un DVD d'un côté, un CD de l'autre. Et la partie image, il y a 2 heures d'images inédites. Ça va être assez intéressant pour ceux qui ont envie de découvrir le groupe. Des concerts prochainement ? Alors, très prochainement, on joue beaucoup. En fait, on a signé avec un label allemand, donc on a un tourneur en Allemagne et on joue énormément en ce moment en Belgique, en Hollande et en Allemagne. La France, on aimerait bien. On a peu de demandes et le concert qu'on avait fait donc à Marseille, c'est au poste à Galène, ça a été un petit peu le hasard d'une rencontre avec on avait un éclairagiste qui travaillait à Cognac, qui connaissait un réseau de salles, donc ça a été un espèce de petit coup de chance comme ça. Mais c'est rare, je sais pas, c'est un tort, mais on a tendance à se dire que la France est un petit peu Paris malheureusement, et on aimerait bien. Je sais qu'on a des gens qui nous suivent un petit peu du côté de Marseille, du côté de Toulon aussi. On aimerait bien descendre un peu plus souvent, mais on est très très ouvert. Il suffit de nous appeler. En général, on suit. Hein. Nous n'y manquerons pas. Merci pour cet entretien. À bientôt, au revoir.